Trois autres poèmes, extraits de l'ensemble sous-titré Filles. Sigidille. Brune, encore non eue, je te veux presque nue, sur un canapé noir, dans un jaune boudoir, comme à 1830. Presque nue, et non nue, à travers une nue de dentelle, montrant ta chair où va courant ma bouche délirante. Je te veux, trop rieuse et très impérieuse, méchante et mauvaise, et pire s'il te plaisait, mais si luxurieuse. Ah, ton corps noir et rose, éclair de lune. Ah, pose ton coude sur mon cœur, et tout ton corps vainqueur, tout ton corps que j'adore. Ah, ton corps, qu'il repose sur mon âme morose, et l'étouffe s'il peut, si ton caprice veut, encore, encore, encore. Splendide, glorieuse, bellement furieuse dans leurs jeunes ébats, fous mon orgueil en bas, sous tes fesses joyeuses.